بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرسلين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبيه في الفصل الثاني والثلاثين من كتاب النفيس رمح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم، والرابع دوام محافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية إلى آخره. بي كون شرط ييغا خا مني مومن نون ليم نانيو نياتي بو نجهك بي موي موي kiko joxe taqdimu wir manam mu yor ko te nit ki tamit fexé ba xam ndax koku nekul di takko ak ay mbir yo xamantene wala di def yo xamantene xeyna day tax bu ñu yekiti ndigal li wala lu mata baye xal la manam dal mu baye xal dal ci kim ko ku taqdimu wir rek nak manam ku meuna joxe mbir mi bu wéré rek meunuf na jëlé ci mom lool du problème bi mais problème bi nak mom moy kokit masque mukaddam tamit dafa am ay conditions da am ay charte manam bu ku nek mo koy doon ba paré meun ko téy parce que dafa am ay conditions lo ay minimum ci xam xam lo wara xam am minimum ci noy doxale am minimum ci lo xamantene yey tax bu fekkante ne ñepp kep kenn da wara moytu ndiku luy tax mu genn ci tariqa bi tamé muqaddam bi min babu awlal parce que mom après day joxe ndekete gaay defé ni ngi wër ndekete yoru ñu dara yalla yalla sa donc lolu bon ñaaral bi moy bu fekkante da nga yor wër nga baña manam duñ la ko meuna dox a moins que nga bayyi werdu wo wa nga yoro werdu tariqa bo nga yoro ñettel moy ñak ziyare tebu bu wali moy bi ñu téré won té lolu gisul nañ ko chapitre 22 bi fini moy ci jotay bi wess moy liñ doon wax kërop ba juste biñu ki rafat liko terme yi mo señ fallo doon wax non mo señ bi mi ñewé ci geej gi xalatul kenen parce que ñamu xexalon avant ñen lañ ko xamal ñu boba laata muy dem lo won té boba jotagul won wirdu makhuz voilà ci ki boba la param pour ki bi ki quoi manam liñ doon wax manam liñ bëggoon liñ djublu won ci wax ji moy ki ya ki bi manam iznu ki bi iznu ya tabi manam akhz bi mën na fi nek mais problème bi moy démontrer ya tabi voilà fofu lon manam lolou lañ ci djublu won ba ma don wax tamit nan ma xaw mo cheikh bi même mom ci bopam lim doon djublu ci batu cheikh ak luñ ci djublu ñun sun jamono du ben voilà bon ala kulli hal liñ bëggoon wax ki bo parce que comme dañ ñewon señ fall loolu lañ wax après day wax na du ci taqwa du ci taqwa parce que dañ ko netti dara parce que bokk na shurutu ci taqwa moy adopt moy tamu dabbe ba bo dege muru nga netti li muru ba nga netti li ibra voilà am amna gi mo won laj comme ñoo nga wax nonu waaw nga xamanteni nga wax ay exception exception waaw dañuy dañuy gis ñu yor yeneen ki waaw and ak ne jëlon nañu tarikh tidiane legi nan la mourid tidiane bi di jëflante ak ñom ci babu ziyara ndax dañuy bok ci nga xamanteni dañ leen waaw ñoo ñu mën nañu bok si ñoo ñu mën nañ leen ziyara parce que d'ailleurs motax ci ñom si di soukeri radiyallahu ñom doon dem di ziyara ñu mel nonu yoy da jarignu ci ñom doon der mëno di barkel tamit ci par exemple baytu khalwam et cetera ak ñu mel non ak d'ailleurs seydou mal aynani radiyallahu an tamit d'ailleurs da ko ijazal aussi c'est ma aynani da fa ijazal seydou soukeri d'ailleurs lool bokku na ci lima xawon jaaxal parce que mom comme da fa jëlon ci sidi ahmed tidiane radiyallahu an te sidi ahmed tidiane radiyallahu an joxuko won charte joxuko won neko do adam ki num tudu jamo wala adam jamo wala lolou manam charte bobu bolewu ko ci won wala mais sinon généralité bi mom li mom moy dox ci ñom manam a part ñoo nga xamné exception lañu généralité bi ni moy dox ci mom wala comme ni siti annabi ci waxal radiyallahu anhu wala min al mustahiri jamaa ma tariqati faman qala bil jawaz qala bi firyati wala dafa bok ci lu impossible moy nga boré ko benen tariqa ku wax né lolou man na nek wax na lu manam aw sos wax jo xamantene bu graw la bu reuy reuy manam moy meunta nek voilà voilà bamou dess ci 12000 personnes yoy voilà motax ñoo nak lolu tamit bon du jaral ki dal la parce que en fait précision ci point bobu non dafa am solo go xamne day tax aussi du ñaaw ñott ci yenen ci yenen nitu yalla xam nga am ni ño xamantene manam visiblement seen xaal mo lay won ni ñi ñu mag lañ ñu kay lañ mais aussi ak seen xam xam amé ak nit ñi doxale et cetera man da ngay xam ki inéluctablement ki ku mag la ki mom du ko ndaw djégi wul ndaw il n'est pas à négliger du tout ku mag mag la té lolu sik neeku ci sauf que nga gis ko mu bolé ki ak yoy affaire bi dina la xawa jaxat tout voilà surtout ñun sénégalais aussi parce que da ngay gis lolu bok na ci ñenn ñi lolu taxna par exemple ñu ñaaw ñort ci ku melni cheikh amadou bamba radhiyallahu ci té pourcent dañ koy def ak sincérité parce que dañ japp né comme tariqa bi kenn duko bolé ak kenn té ñu mom visiblement bon ñom nak dañuy wax ni cheikh ahmad malik moko joxon tariqa mais visiblement numéro mi démé boko xolé dañ gis ni cheikh ahmad malik joxuko ko mom dafa ni cheikh moutidiane radhiyallahu moko jox yéne ci sallallahu alayhi wasallam okay moko ko ñu ne cheikh nako ko jox mom ak yeneen ci moy d'ailleurs risala bob ci yow la gissou okay mais voilà mais ne mom ci bopam dañi moy ci wasiyate voilà parce que en fait mom day wax ni dafa jëlon na tarikh yi avant muy ki mais ginnaw gi la xamne ñi ka joxone am ñu ndigal bu wër ah moy lol qadri la won tarikh qadri parce que est-ce que qui aussi beaucoup ci yenen parce que non tarikh qadri yi la won ya tarikh qadri la ak yakarna chadri parce que tarikh tidiane ya non pas en tout cas yow man bima won wa yakarna tarikh qadri la don wax ne mom la jëlon sauf que ginnaw gi dafa gis ne gaay ko joxon ñom seen bop amuñu won digelu joxon ko wa parce que bo xolé ndigal gu wer té bo xolé c'est que en fait lolu ñoñu souvent lay faral di dal parce que surtout tariqa qadri suñu jamono surtout ci gox yoy non parce que fofu nonu de ki la rek manam da ngay judd rek nek qada après ñuy ci bo nga jek yol wer bi dem ba am ci yenn renomé ni daay xéxal la té xéxal gogu ñu lay xéxal manam alors que wer de ni mi doxalante ci manam de génération en génération dafa wara nek lo xamne dañ ko top gu deugur gu wër manam ki moma jox te ki diw moko joxon isnu bu wër pour mu meuna joxe tariqa et cetera manam affaire bi joxante man même man mi amna cadre yu ma doon wax nan manam bima nekk xala dañ ma ko téré bima gëné nekk xala mo gëné nekk xala gis na ño xamanteni pourtant seen keur ñum ay kilifa lañ ci cadre yi mais ñom dañ ma doon wax tranquillement na wër de cadre amul ay ki da ngay ñew rek jël manam da ngay ñew rek jël ce qui manam luy wone ne manam mbir la mo xamanteni dañ ko négliger manam ba ci seen biir dañ ko négliger la da ngay gis ñu ci ma ño xamanteni dañuy même di ci ay gamu di ko animer di def yépp nek ñu ci mak mais pourtant ñom ci seen bop dañ ko nek non rek di animer gam manam ci biir non rek parfois sax dañuy werd non par amna ñu ci werd amna ñu bari ñu werd mais amna ñu ci werd and ak lool yeb hein da ngay gis ne duñu respecter ki bi da amul ki da amul ne par exemple comme ñuy conditionnement bi am par exemple tariqa tidiane dama ko bëgg jël damay dem ci ko xamne mom amna ijaza ci joxe ko et cetera comme nonou manam mu nek lu rigoureux lo xamantene dañ koy top comme ni mu nekk ci xam xam yi de manière générale ci ni ñu topé affaire maam ko par exemple bo démé université sa nga am nga diplôme sa nga ni ki nangam nga doga ñew doga mëna jangalé réew sa dëkk sa nga et cetera manam lolu bo xolé tariqa tidiane en tout cas pour Sénégal la bëgg wax wuuma aduna bi hein ci suñu gox yi rek la wax parce que fofu la mëna attester né lolu mom dang koy gis voilà manam que ni rigueur bobu non fofu la am ci ci ci tidiane nga koy gis mais sinon ñeneen ñi ci dess bo démé da ngay gis né rigueur bi dafa surtout cadre par exemple da ngay gis né rigueur bobu dess na quand même ci ñom wala da ngay gis nga ni rigueur bobu mais sinon bo man yeleen dekk yi leg leg nga deg ñu nan ki muqaddam la ci cadre yi wala yoy deur ñom sax dañ ko fonk yoy titre yoy wala ki cheikh la ci cadre yi rigueur la muqaddam la ci et cetera wala chazi bi et cetera ba para dañuy def ay dafa am évolution spirituelle bo xamantene ci ngay amé yoy titre ba para dañ lay samp manam cheikh bi mo lay cheikhal serigne bu mag et cetera donc lolu mais sinon ñun suñu gox yi da ngay gis rek même ñi nga xamni ñoy kilifa yi sax c'est parce que ci kër gi lañ djuddo rek ñu né ki cheikh diw parce que moy doomi serigne diw yeex na ñu bu yegg ben niveau après ñu mu nek cheikh ñu cheikhal ko alors que dafa am ben évolution manam ci walu zikkar ak yoy bon ala kul hal manam djublu wun ci xetu ko di nga wala xetu ko ngagn wala yoy dedet du lolou manam mais ki bi dal lañ ci djublu manam précision wu mais parfois comme li nga do wax ci walu señ bi mais lolou mok manam mom ci bopam dafa dem ba jamba jamono mu gis ni ko joxone affaire dom seen bop amuñu won digal du wel wala donc lolu yanu manal manam suñu gox yi ni mbir mi demé lu yanu manal wa sauf que nak après ginnaw gi ci lako yantibi sallalahu alayhi wasallam wanalek Sayyid Abu Qadirani ñom Sayyid Abu Hasan Shazili Cheikh Matijani radhiyallahu anhu ñeneen ñom ñu jox ko sen werdi ñom ñep ñu yantibi jox leen digal pour ñu jox ko werda sen werda ngor lolu waaw voilà lolu tamit day deugere liñ doon wax ci jotay bi wess ci walu ci point bu ñëkk bi keni voilà sans nga am intermédiaire cheikh voilà nga am ijaza barzakhia voilà moy osiya bu barzakhia lolu mën na nek si amna nak ñuy wax né señ ay sey rahaj malik moko joxone wër de nangam duggal ci histoire bo xamantene histoire bu ñang bu ñaaw bu rafetul bu xamne bu ñak teggenda et cetera bon lolu mom moy li nga xamantene matuto baye xel wala mu matul deglu sax waxuma la diko baye yalla nañu yalla sam amin té li gëna dommage moy ay ñuñu manam ño xamantene dañ leena jox cër et cetera ñokoy wax té loolu buñu démé ba nga xamantene xéet gogu dañuy commencer wax manam awami bu boba awami duñ mënd lu def lo manam lu dul top tank yoy té ñum tamit bokku na ci gravité loolu graw dinañ ko gis dafa bokku ci charte tariqa bi ci biir dinañ ko gis moy wor man mbolam walu yi lol dafa bok ci condition yi té c'est que ñun nit ñu yaré la c'est que ñun dañ ñoy yar ci parparlo xëccu kenn ku ci nek di wone ne ñun suñu wa tariqa ñoo gëna ki suñu kilifa diine ñoo gëna mag suñu sëriñ ñoo gëna ki ni ci dess ñepp nga tutal leen doyal leen fexé ba waccé leen wax ci ñoom lo xamantene dana tax ba duñ jarati ñaari dërëm wala 15 sax bo gëna sori manam pour té lolou yépp pour rek yëkëti sa bop manam dafa melni ci ñun yëkëti sa sëriñ manam muunta baña andak soufël yeneen sëriñ yi manam yëkëti sa sëriñ muunta manam lazim manam day dafa takko soufël yeneen sëriñ yi ba da nga ci gis ku ci def xétu waxtaan ni conférence ni même ni pour waxtane serigne mom la budda mu waxtan luy toufal manam mu wax lo xamantene dana woné ni yeneen serigne jaruñu dara gaay duñu tous ki rek mo fi serigne la budda mu waxtane waxtan wu mel non de leen waxti te lol dafa graw graw ci amul kenn ci ñom ku ko gëreum amul kenn ci ñom ku gëreum xéetu doxali mbokk yalla nñu ci yalla musa amul benn serigne ci serigne ni tu yalla ku gëreum ku kont kuy contane ci bobu xéetu waxe ak xéetu doxali yalla nñu yalla sam deng kon ñu dem ci ñentel muna war rabi'u ñentel bi دوام موي سخو المحافظه بي سامونتك على الصلوات في جولي الخمس مبور مانام جورومي في الجماعات تي مبولوي ياغي ديغ ول امور اك مير الشرعيه كوتو شريعه موي دي سخو دي جولي جوروم تي مبولو سو فكانتني مانا نك دي كوم نيم كوي بريسيزي تي لولو اك دي سامونتك ميرو شريعه manam motax batu samonté mbiru sharia yi dinañ ci ñew inshallah buñu waxé ki bi ba paré ah ci la mbolam yenen ki dugg manam mbolam yi ci dess yépp ci lay manam até sharia yépp ci la dugg lool ñu ci ñew légui ci commentaire mune wa fil juz'i nek na ci xaj jukki al awwal bay ñeuk ba fi jawahirul maani ci téré bobu jawahirul maani wa bulughul amani bu sayyidi على الحرازم براد رضي الله عنه واش من شنه بي لي كو واخ شيخ متجاني رضي الله من وشرطو شرطم مانام شرط الطريقه بي المحافظه موي سامونتك على الصلوات تي جولي في اوقاتها تي سين وقتو يا مانام دو جولي دو دو دو دو باي جولي ген ايترا ولا غاي داجال اي جولي جوي مانام دانكو ديف تي سيني سيني وقتو لول موي سو امول نغانتو شريعه wala comme niñ waxone ci jotay bi wessu ngant sharia yi limon nañ leen yi tax ba julli jall te do ko def fi awqatha ci kon ci seen waxtu yi fil jamaat ci mbolo in am kana ndem japp na la won su fekante lolu possible na waqala waxna fi awwal rasa'il ci njal beelu rasa'il yi moy bataxal da ba bay bataxal moy lettre yu cheikh amou tidiane rabi allah bind ci jawaru maane batay ci njal benu lettre yi neena ni wa shartu shartu werte bi al muhafazat moy samonté ala salawat ci julli fil jamaati ci mboloy wal umur ak mbir ash-shari'ati ko ci sharia donc fofu lu genné mbir mom legui julli mbolo dafa bok ci charte tariqa bi sa yu jappane kon ce qui veut dire que man su fekete ne man na julli ci mbolo duma am droit en tant que tidian ma baña julli ci mbolo amu droit legui lolou limi tek ben dañ ko teural ay condition li bu ñëk bi moy mbolo bi na nek mbolo sunna parce que mbolo bid'a yi kenn diglewul ku ca def ñaaral wi moy dafa am tamit ay condition yo xamantene yoy lañu teureul pour imam bi masalan cheikh mutidiane radhiyallahu anhu dafa ni kep ko xamantene daf ma contre bu len julli ci ginnawum la tamit benen question waaw kon kep ko contre sama tariqa amul bu mu nexew ñu julli ci kanamam ci ginnawum non lool dañ koy téré légui lool dina ñew ci point bobu ci ben question dina ci ñew legui inshallah mais manam mais dama la bëgg léral la né cheikh mutidiane radhiyallahu anhu lool la wax lool mo moko wax ni képp ko xamantene dafa ko contre mom gëmuko da koy diñat bu leen julli ci ginnaw parce que imam bi shafi' la manam moy mom da leen di ram manam imam li tax ñu tek ko fi moy pour ñu mëne ko roy mais mom dafa fekk na moy jotali manam c'est comme si mom moy yobbu julli gaay manam mo len di jotalel melni li tax mu nek ci kanam moy ram moy mo nan comme masala parce que bo xolé mom moy tari ci kaw ñu ci dess dañuy nopp manam kon mom mo len di jotali c'est comme si mom moy wax ak borom subhanahu wa ta'ala pour ñu jotali mbiri manam pour ñi ñi nek ci ginnaw bu fegeete ne mbir mi non la deme ba pare yow ki te yow su serigne muy muy si rahmatu jalla dalu li ngay am ci walu yalla ci mom lay jaar ki waye ki daf ko contre ki nga xamantene mom mo la wara jotali affaire yi manam mom du jot ce qui veut dire que yow bu jot pour yow yow ha diam donc lolu point bobu lu mata baye xel la benen bi mom moy benen condition moy imam bi bu fekente ne du matal ay rukuwam ak ay sujudam manam parax parax bobu nga xamantene yow digeenti bi ngay japp su fekente ne japp li gis nga jakkaji bu nekké fi fi ci ginnaw buntu bi sa japp bu yexé do fekke julli bi parce que ha ndax parax parax bi fuf fuf fuf ku mel non bu fekente ne motu sadam di jara dara ni par exemple netti tasbih yu mat seuk yo xamantene dañ koy def ci ala tarahi manam ndank ndank man ko dañ koy baral subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi wala bok subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi muy jurum ben wala subhan rabbiyal azim kesse manam bo bi xamni meun na ci bañal mais bu fekente ne dal lu tolok lolu amu ci te lolu hadith bi la moko wax comme hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu moy hadith bu siwe ni al hadith musi li salatihi hadith bobu non la tuddu borom xoy non lañu tuddé rahmatullahi manam hadith ka don ñaawé ci jullim ka ñaawé jullim namu jullé moy bu ko ñew parax parax julli seulmal ñew nuyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhab wa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli parce que yow julli wu bamuy ñett yoon mu ne ko wallahi fa billadhi ba'athaka bil haqq la uhsinu illa hadha ma ngi wacc ki nga xamne mo lu yoni ci deug man mom mo lu dulli ci ngay ki nga xamé ni tamit ne tahiyatul masjid mom lañuy ñëkke nuyu nit ñi nekk ci jakka ji ak kum mëna doon donte yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ha ndax dafa dem julli ji limu julle ba pare doga ñew nuyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam do ko wax ne ko demal nga julli wa parce que julli wo moy hadith bu siwo mi ngi ci sahih ci sunan yi maam hadith la bo xamantene dafa siwo d'ailleurs ciosan bu mak la ci moy hadith bi nga xamantene ci lañu jëlé fondement yu yu makki ci walu farata julli manam nan lañu xamé ni li farata la ci julli ak li du farata lepp luñu tuddu ci hadith bobu ci ciosan en premier lieu d'abord dañuy japp ni farata la ba kër ñu am preuve bu wone du farata motax hadith bobu moy ciosan légui nak par contre essentiellement li ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don jangal waji moy luñu wax at-tamaniyat wal i'tidal ñaar condition yo sino ko anone yoy ci jullu moy ak dal ak tamit manam djub xot bo nekké ci ben position nga nek ci ba djub ci lool motax kep kuko matalul duñ mëna julli ci sa ginnaw yow tamit lool mo motax hanafiyyi rahmatullahi alayhi biñu sagane point bobu ñen fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhi ci walu gogu ba defuñu ko condition ci jullu pour jullu wër motax ñeneen borox xoxo rahmatullahi alayhi ne ap hanafi bu julle nonu bu nangu julli ci ginnaw andak ne dañuy set ne manam julli wëru julli dañ koy set ci mazhabu imam bi pa ci mazhabu ma'mum bi manam ci mazhabu ki jité pa ci mazhabu ki ñu jité ba mu dess point bobu la bo roxo xamé du nangu wuñu hanafi bu sagane lool andak ne hanafi dañuy sat dañuy ki dañuy xërtal nit ñi ci ñuy julli julli ko dal mais ñom mais comme defuñu ko condition lool motax ga ñi ci dess ne non même lool par contre point bi mom ak luñu and ci walu point ci lu mel non bi point mom duñ ci and ak ñom man duñ ci d'accord mom ak bu ci dess ñoo nuro moy seulmal bi moy parce que ñom tamit seen mazhab parce que ñom en fait nit ki bu démé bo wara seulmal rek jappam tek jullé baxna parce que parce que seulement rek ci dess ndax seulement pour signifier ni julli gi jeex rek la kon mom comme julli ji dem na bay jeex rek ki wul bobu tamit borox xam duñ ci and maam ñeneen ñi ci dess mais sinon sudul lolu du pour toutal mazhab xat parce que bo xolé liñ wax tamit da ngay gis ni amna ben xéto raisonnement bu bujup andal lolu yépp borox xam rahmatullah duñu nang lolu bon légui lolu lolu tamit benen affaire a benen bir bi nga xamantene mom moy luma ta baye xel ci point bi ni mom moy comme ni parce que en fait bo xolé waxu wa tariqa bi ci bir mbir mi limay faral di setlu moy ne mbolo biñuy wax ñom parce que normalement mbolo normalement ki mom moko manam jakka motax ñuy wax de manière générale jakka motax ñuy wax mais waxu ñu rek mbolo yi nekk ci kër yi parce que kon li may nara wax ni pour mu leer il faut mu am luko luñ ko lay tayale moy masala ndax julli mbolo farata la wala du farata ñi nga xamanteni ñom ñoy lu upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu japp ne du farata ndax hadithu abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu bu nek ci sahih bim nan salatul jamaa tafdul ala salatil fadh bi 27 daraja julit mbolo gëna na julit kenn ci ñaar fukki daraja ak juroom ñaar kon ce qui veut dire que ni julit kenn ki lan la baxna amma hadithu la salata li jar al masjid illa fil masjid hadith bobu dha'if la manam dha'ifu jiddan manam no ki la dal expression la bo borom xoxu hadith bi jeufandiko wa barke xam na ci deug rek wa xam na wala xam nga dafa am dha'ifu jiddan am layyin am laysa bi shay am mawdu' am munkar et cetera donc voilà donc dafa am voilà mais li bi nga xamantene mom moy daif jiddal la mom moy hadith ki deuk ak jakka lu am julli lu dul ci bir jakka te bu weron tamit mana biñ koy jox moy du am julli bu mat manam julli go xamantene tiyaba gu mat ci tray don manam lu dul mu julle ko ci jakka ji comme ñepp rek de manière générale moy lu mboro mi gën di bari tiyaba yam ci ami di gëna bari légui hadith tamit bi nga xamantene mom moy hadith abdullah ibn maktum radiyallahu anhu bi mu ñewon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man bi awmukuma wo mat té yoon bi dafa bëri ay problème ay kamb ak yoy est-ce que duma est-ce que mën nañ ma jox ndigal mu baña ñëw ci jakka ji est-ce que mën nga ma jox ndigal ma baña ñëw ci jakka ji bamu jox ko ndigal yeenbi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal waye bamu gënné li dem ci la ko wolu wat mu ñëwaat mu ne ko est-ce que bu ñu noddé ding ko dégg mu ne ko mu ne ko idan fa ajib donc nak ñëwul del uyu ci ñëw ci jakka ji manam wutaluko ruksa mais hadith bobu tamit borom xam xam rahmatullahi alayhim dañuy wax ni hadith bele moko folé manam moy bi mu wax sank moy hadithu abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu benen biko folé deug biko wone moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hajjatul wada dafa am hadith bi mi ci sahihi moy mu am ñaari gaay yo xamantene dañu ñewoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis leen fekk gaay di nodd ñu wara julli wuñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu julle paré gis leen ñu nekk fofu non ñu bëru mu ne leen mu wolu leen deug neena biñu leen wolo ñu gis leen fi ni trampé fi di yëngatu ndax tit quoi Voilà, lan motax julli wo len yeen ñaar voilà lan motax julir alastuma bi muslimaini ala khana do len ay julit ñu nako ankay mun qad walakin qad sallayna fi rihalina dafa fekk ni dañu julli ci suñu dalga dalga fofu lañ julli motax yantibi sallallahu alayhi wasallam idha ata ahadukum almasjid fala yaqul qad sallaytu falyusalli ma'a aljamaa kep ku ñew ci jakkaji fek gaay jullegu ñu manam bu mu wax ne jullina ba pare ne na julli wat ak bolo mi manam lolu mu ne fo la xal nafila bo wa julli gogu day da di nek pour mom ab nafila kon hadith bobu non moy woné hadith bu ñëkk bele moy né wala que ni effectivement hadith bobu day woné ndekete mën nga julli manam julli fudul jakka du farata parce que su doon farata la kon yentou sallallahu alayhi wasallam dama len seen julli gogo baxul o mom meun ngeen ñew ci jakkali waye le fait que bu len dedet hein bo wacc lay wone ni ko et cetera donc ala kulli halim pour ñu teunk masala bobu fofu lolou kon mom moy mazhabu jumhur lolou tax amna benen hadith bu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne moy bimu ne dama doon mebet ci ma taxawal ma wax kenn remplacer ma fekk ñun ñu liqam ba pare bu ko defé ma dem lakki ji keeru ñi nga xamanteni julli su wuñ mo xadis bobu après mu ne après me téréwul mu daal di julli mais bo xolé xadis bobu dafa ni il faut xadis bi mi ngi sabu ci saxexé yantou bi sallallahu alayhi wasallam kon tani manam dafa mebet pour nit ki kenn ci ñom manam mu tek ci kenn lool mo lay won ni kon julli bi ci mbolo ci bir jakk ñi non du farata parce que su doon lool la du tek kenn fenn manam du tek kenn fenn mom mu dem and ak yeneen mbolo ño xamanteni ñom julli wuñu lool déjà ben affaire la ñaarel bi mom moy le fait que mu mebet ko ba para defuko parce que su doon ne ñooñu dañu def lu waral ñu war leen mëne def lool contrôle yeen dubu saxam dina def ju lool manam du ko bayyi du yam ci mebet kesse da koy def ha voilà ñettel bi mum moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu ñi mu doon waxal mom moy nafiqi ni ibn mas'ud wax radiyallahu anhu ne ñun xat jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñen doongu lañ daan xamne daanu ñu ñew ci jakka ji moy ko xamantene manam al munafiq ma'ruf bin nifaq ko xamne nafiq la go xamne nafiq gi dafa leer nañ suñu jamono ñun jamono yenente bi sala salam ñoñu ñu daanu ñew ci jakka ji kon manam ci ngay gisee ni yenente bi sala salam kon bu waxe dem lolu non manam kon ben xex lay doon xara lay doon contre na fiqi ci sen bop mais pas contre ñi nga xamantene ay julit la ñu ñewul ci jakkay bax voilà donc lolu yep lolu ay point la yu mata baxal bo gisee ma sax ma yagg ci masala manam ma ci dalil bi ni ma taxaw ci moy pour ñu comprendre ne li ki waxone manam hadith bi li leg parce que hadith bele bu ibnu parce que manam bu ibnu mu maktum bi radiyallahu anhu wala bi ni bima mujjé tuddu bu sayna abu hurayra bi radiyallahu anhu manam leg da ngay deg ñu bari ñukoy comprendre ñu bokut ak deug li ëpp ci borox xox ñu ko comprendre té lool mom moy mazhabu hanafiyye moy mazhabu shafi'iyye ak khana moy mazhabu malikiyye manam julli mbolo rek la waxuma jakka waxuma jakka voilà manam kon hanafiyye shafi'iyye ak manam hanafiyye malikiyye ak shafi'i rahmatullah sen mazhab moy julli mbolo du farata mazhabu hanabilay rahmatullah alam ak zahiriyye moy julli mbolo farata la ñom dañu tektelo ci dalil yi ñu tektelo yep yi ñu don tuddu tay tek fa la ne julli bobu dafa manam dafa dañ ko dañ ci insister donc légui mais khana bi lay rahmatullah alayhi tekantal biñ def contrairement ak zahiri rahmatullah ñom dañ japp ne ku julli wul mbolo su julli wëru baxul mom ñom dañ ko jappé ne ku ko defut su julli baxul alors que khana bi lay rahmatullah ñom liñu tekantal biñ def moy dañ ne ku julli mbolo ku ko def ku manam ku ko deful sa julli baxna mais baye nga farata parce que amna différence entre nangam farata la ak ne buma ko deful sama julli du bax amna différence voilà parce que lolu point la buñu bari dul xamul comprendre que ni buñ né nangam farata la tektelewul né buma ko defut ki wala buma ko defut sama julli lu bax wala wala nangam farata la rek buma ko deful affaire bi du weur comme par exemple nit ko xamantene tay xam nga sey mahrabi farata la ci manam cham gi mais ça ne veut pas dire que ni joxe boko joxe wut rek sey bi la lu weur dekkul lolu amna mbir yu beure ci buñ doon xol yo xamanteni yu bari dana nangam day dafa war and ak ne hein buma ko defut tekki wona sama jaamu yalla gi weru wala def mbir mi weru and ak ne même mbir buñuy ki manam def ci lu haram xam parce que def lu haram mok baye faraka ñoo nugo manam def ci lu haram sax taxul jaamu yalla gi yaq dox lo haram taxul jaamu yalla gi yaq comme tay par exemple ku doon julli daal di jël loxom dugal ko ci poche jambour am lum ci jël dugal ci poche am taxul julli gi yaq Allah gis nga voilà pourtant amna bakkar defna bakkar ci bir julli gi defna bakkar and ak lolu yep jullim yaqul hein donk lol dal mo upp doole lepp han julli dal mo upp doole lepp waaw julli mom julli mo upp doole lepp legui non mais aussi lol du parce que julli mo upp doole lepp motax affaire bi amul le du lolé c'est parce que lay dafa bokul ci condition julli motax alors que bu doon dafa lek rek lek lu dagan lek jullim day yaq te pourtant lek dagan la mais jullim day yaq mais lay mu def yaqul jullim parce que ça ma beaucoup de conditions yu tax voilà d'accord voilà légui point bi nga xamne mom la bëggone souligné moy voilà légui kon ñom xana bi lay rahmatullah kon ñom loolu lañ def ñom farata lañ ko jappé mais jappé wuñ ko condition pour julli wër mais bu ñëwé ci walu jakkal ak légui manam li julli ci mbolo rek la wax de manière générale légui nak mu dess ci jakk ci bopam bu ñëwé ci jakk ci bopam dañuy gis né borom xom xom yi rahmatullah alayhim tantôt ñi dañ koy wax dañuy wax né sunna mu akara la ñi né manam fardu kifaya la lu bari ci borom xom rahmatullah dañ ko def fardu kifaya moy lan moy bu amé ño xamné nek nañ ci jakk bi day wacc ñu ci dess parce que jakk au moment où parce que liñu bañ rek moy ñu kenn bañ fa julle mais buñ amé mbolo mu fay julle rek ñi ci dess manam obligé wuñ dem jakk baxu légui lool benn affaire la bu important benn affaire bi nga xamantene amna son importance ci point bi moy dem moy dem ci nit mo manam sharia lima taxaw mu tuddu hadith ci hadith abu hurairah sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu bima tudon sank moy bi yentou sa samne mo ngi don mebet moy mebetam bobu lolou dañ ci xamé ni mbolo ci ciossan buñ ko waxé ci l'islam jakka motax ñu wax parce que su doon amna venen ciossan bu tax manam bu doon amna lenen luy tax ñuy wax lolu mbolo kon duñu wax manam kon yantabi sallallahu alayhi wasallam du yegg fofu ci reprimander acte bobu ba pare koronton lim waxon kan abdullah ibn maktum radiyallahu anhu du ko wax ne ko du ko ko wax kon mbolo ci ciosan li tax ñuy wax manam buñ ko waxe joyal ko non kon jakka mom tax motax ñuy wax sauf que fi dina ñew inshallah ci leral ne du lolu motax ñuy wax ci point bi du lolu tax ñuy wax legui par contre li yeme moy yenen boro xoxo ñom mbolo buñ ko wax ci ciosan ñom jakka motax ñuy wax mais khanaabila yi rahmatullah alayhim li yeme ci ñom moy ne khanaabila yi ñom jappu ñu ne mbolo ci jakka ji la wara nek sa du ko ñom julli mbolo farata la mais fo amé mbolo baxna contrairement ak ñeneen ñi ci res nga xamantene ñom julli mbolo du farata mais nak cependant mbolo dañuy insister ci jakka ji manam ñu def ko degeural ko ce qui veut dire que ni bo xolaté comparativement da ngay gis ne ñepp dañuy xawa da balance bi day xawa équilibré wu wat motax imam ahmad rahimahullah ben beus dafa nek yahya ibn ma'in rahimahullah ci keur bi sen ci ben parce que ñom ñaar ay xarit la non mom yahya ibn ma'in ishaq ibn rahway ali ibn madini ibn ali al-fallas ñom rahmatullah alayhim ay xarit lañ won ñom ñep ñu nekkon ay seen imam yo ma sha Allah wallahi ñu marqué seen jamono mais benn bëss ñu tok ci biir kër gi ñu jekki nodd ñu nodd yahya ibn ma'in rahmatullah dal ko accé ñen dem ci jakk ji mu ne ko dedet nañ tok julli fi mat nañu ñaar kay mbolo bi mo am solo ñu la lu julli fi ñu ne té pourtant dégg nañ nodd bi fi ci jakk ji légui point bi nak li tax ñu wax né du mom manam bi imam ahmad rahimahullah wax manam keuri mbolo mi ñi wax fi jakka ji mo gën jakka ji sik neeku ci ne mo gën d'ailleurs sayyid ahmad tidiane radhiyallahu anhu gis na ni comme netti won nañ ko ci jotta yi wessu gis na ni mbolé gis na ni ben xol na jëf yi mais ben rek la gis mu nekk jëf bo xamantene mbolem yiw da koy xëc ba para day dakk mbolem lor mo la moy julli juromi julli yep ci jakka ji andak su mu ne nek la parce que comme par exemple affaire yenn comparant heure yi ni mu démé ni par exemple guen duñ ko mëna julli ci jakka ji parce que dañuy julli ñom bala waxtu yëj lolu mo na wala legui lolu fu meune nek la baxna benen bi ci dess moy gis na ni salat fatihe lo gis ne mo meuna remplacer lolu bu beu salat fatihe rek moy def moy jouer mon rôle bon legui kon motax par buntu bu reele ci tarbiya manam nit ki di julli ci jakka ji juromi julli yep mu ko defé ci jakka ji lolou am solo la su fekkante ne mën na nek mu dess nak ben point bu am solo ci bir lolou moy ne mom la do ci lolou la do ñew moy mbolo mom nonu kon buñu gisé visiblement lan motax ponku bi mu wax moy buy bo xolé daf ko lekkle ci manam al ci muhafazat wax man kon al muhafazat ala salawat fil jamaat dal wa umur sharia ak mbiru sharia yi manam kon manam fonk sharia la le beug wax sauf que fonk sharia bi ci epp doole moy julli juroomi moy mo ci epp doole donc ce qui veut dire que ni du question julli bi en tant que tel kesse moko tax do mais julli bi dafa fekk ni dafa epp doole ci sharia té fonk sharia d'ailleurs motax julli bi ci la tarbiya bi di jaar kudul bi julli ku fonkul julli jurom ci waxtom diko defé ci mbolo su mënéné pour sa tarbiya gaaw day jafé donc lolu lu am solo la amna mais buma xolé waxu wa tariqa bi en tout cas lima ci jotta gis damay gis ne ñom buñu ko waxe julli jurom julli ci mbolo yi ñom damay gis ne dañuy wax ne comme surtout amna ben téré buma la ko don wax tan yi ma nga ko don wax bu Seydi Ibrahim Salih Al-Husseini radiyallahu anhu bu bindon ci affaire bobu voilà ci affaire muqaddam yek ak nit ñi niñu wara fo tariqa bek yoyu mais tekantal bimu ci def d'ailleurs mom ci bopam gis na muy toxal waxu wa tariqa bi tamit ci walu gogou muy wax ne ñaar dañ ci manam nit ki ak soxnam dañuy daal di doy manam nit ki ak soxnam rek dañuy daal di doy ci mbolo gogou and ak ne bu deme ci jakk ji manam lu mbolo mi gën di bari muy gën kon ci jakk ji mo gën mais sinon bi tax ñuy wax ci charte yi moy mbolo même bu dé ñaar nit ngeen gis na ci bo xolé tamit borom yaqutatul farida mo duratul kharida batay même nit ki imam an-nazafi radiyallahu anhu da koy wax né julli nit ki julle ak wa kërëm julle ak wa kërëm mo gën d'ailleurs xam nga amna ben hadith yaagi am ci sunan imam abu dawud rahimahullah ummu nan la tuddu subhanallah wa ummu atiya la radiyallahu anha han kay mom la newon yenenbi sallallahu alayhi wasallam newon moy woutal ko ku muy ku noddu bu ko defé ñuy julli ci kër gi hadith bobu bobu tamit day tektale lool parce que même bu fekkante ni jigen bi julli wi du farata ci mom mais le fait que mu waran jité wa kërëm ci nga xamé ni motax même buntu bobu ndax jigen dañu jité julli wala du jité julli sax masala bobu nonu do gisuko ndiko ci hadith bobu pour tekkale ni jigen dañu jité manam ñi nga xamantene ñom ñoy ay moromu jigenam mais bo xolé wa kërëm visiblement peut-être que fofu dañu wax na xeyna xalalañ wala bobu mu nekk ak jaglé bu koku am andak ne amna ay borom xoxom donte bari wul yo xamne japp nañ ni jigen amna fu muy tollu mom dana wara mëna jité donte bari wul ala kulli hal ma ngi cheikh bi sax diko indi ci al kanzu fi masail sufia muy am ku muy wax na nan neena bu fekke won jamono xawu kanak kan mom dana jullu ci ginnaw ñoo ci ay jigen quoi amna ñu do tuddu voilà nan man mom ñooñu bu fekke won seen jamono dana jullu seen ginnaw manam mom wax muy melni kuy degeural ne jigen bi amna niveau bu muy yegg spirituellement dana wara mëna jité parce que ba paré nak amna mu tektlo tam ci hadith bobu ummu atiya bobu radiyallahu anha bi yantu sallallahu alayhi wasallam jité loko wa kërëm ba paré ahlu la wax voilà mais bon ala kulli hal ki masala bobu taxuñu djok parce que masala la bo xamé quand même position bobu dafa change vraiment dafa beru lol bok xolé du xétu mais sérieux du coup rek mo am fa ben petite question bu daw bu nekké soxna su jigen ci mom day jité moromum jigen ni day def ni goor yi ni djulle wala day tolok ñom ci même range voilà day nekk ci même range lol mom lol xam nañ ko que ni sayyidat aisha radhiyallahu anha daan ni jité jigen ni daan taxaw ci ben ci même range bi est jigen mom dañu jité lolou bo xolé masala bobu khalafiyé ak maliki rahmatullah ñom dañ ko téré andak amna mbolo ci malike yo xamantene daganal nañ ko mais bo len comparer ak wax gi nga xamne moy li gëna siiw ci mazhab bi day gis ne li gëna siiw moy dañ ko téra voilà manam xanafi ak kon mbolo mu bari ci malike rahmatullah dañ ko téra amna nak mbolo lern ci malike rahmatullah mais ñu upp ci manam ak mazhab shafi ak hanabilay rahmatullah ñom dañ ne dagan na jigen mën na jité moromi jigenam kanta ay goor jigen mom du len jité lool mom moy li nga xamantene moy li nu xam ci mazah yépp lool la tax avis bi mo la wax sank avis le bo xamantene qawlun shaz wa wax bi vero ñe ci mbolam yenen mazah bi lool dama mën na né manam loolu monta né lool moy li gëna siiw moy li nga xamne mom lañuy ubbé ci mbolam mazah bi kene jigen du jité ay manam goor mais jigen dañu jité moromu jigenam lool la la wax ne la mom la ben mbolo ci malike yi di wax rahmatullah alayhim donte du wax gi nga xamne moy jigeena siw waye ak shafi'i ak hanabli rahmatullah dañ koy wax fi nga xamantene mom lañ tektelo moy hadith sayyidat aisha bi radhiyallahu anha te lolou non doyna tektel bu leer kene effectivement lolou man na ne daar mom la ma yahya da wax ne ma me leg leg ma mu ne leg leg maliki nga gis sen fatwa yenn ci affaire bi monam lo xamantene me ni la affaire bi leer nak pourquoi ñom ñu dur ci bir bi voilà pourquoi ñi bayyi fatwa non ci affaire bi leer ni et puis surtout du tout temps né obligé da ngay ubbé li ñu ndik ñu doon ubbé peut-être que té alors que yow gis nga ni affaire bayyi ni que ni li finalement gis nga ni manam yow yaangi ak argument yépp légui manam de faire sorte que voilà mais tout temps rek nga ni ñu ndik ñu liñ doon wax rek manam au fur des siècles la quoi mais pas que légui ni la fait mais avant yom ñop ñom doon nañ ko xam ci yenn siècle ñëk yi and ak lool dañ doon wax rek parce que en fait bëgguñu di dugg ci domaine bobu affaireu mazhab bi ni ñi établir rôle lan motax mais souvent mazhab maliki buñ ñëlé li moy mashhur bi moy mo ne ci mu dawona manam li nekk ci mu dawona mom moy mashhur moy sayyid an-nazif radiyallahu anhu dafa wax wax jo xamantene man mi sa dafa marqué won jëmulu ji mu ko ñëk gis parce que dañi d'ailleurs nit ki mu tok kërëm jité wa kërëm yi mo gën muy dem ci jakka bi donte jakka joju jakkay kaaba gi la mune juma mu ci durratul kharida mu yaatal question bobu wax ne juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam moy hadith bobu juma jerusalem bi ku ci julli amna 500 manam ben raka mi ngi melni julli na 500 raka ci yenen juma du meuna ram budé juma medina bi mi ngi melni julli na jurni raka mais budé juma kaaba gi mi ngi melni julli na 100000 raka subhanallah par rapport ak yenen juma yi mune mais and ak lolu mune motax masala bobu nonu ben mom moy exception bi moy nit ki manam gis ne wa kërëm ngi fi bu julle jité wa kërëm ñom ñu am mbolo ñom tam manam soxlay ak xalé ñom ñu am mbolo mo gën ke mu bayyi leen fi dem julli ji ci jakkati donte ju may kaaba gi la manam kon ce qui veut dire que da ngay comprendre kon masala bi voilà c'est à dire que question il faut que ñu comprendre lan lañ ci djublu lan motax ñu wax et cetera and ak ne julli ci jakka yamul ak dara comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank li ci rahmatu jari wax radiyallahu ah an am na yeneen ni ngeene yu ci nek ci julli ci jaka d'ailleurs lolu bokku na ci nga xamantene dañ ci insister bu baaxa baaxa baax ci nit rek ko xamantene dafa bëgg sel dafa bëgg sel rek evolution spirituelle dara gënu ko gaaw ci nit ki di fexé ba julli jurum yépp mu liko def ci jaka bu de man na ne moy su jappane nak moy su fekkentene parce que amna yo xamantene lolou da tamit matna préciser moy amna yo xamantene du kon manam charte la manam yu dañ ko taral manam ngant la du ngant pour julli ci waxtu waye nak ngant lay doon pour julli ci jakka wala ci mbolo rek même boudé yow ak kenen la lol ngant lay doon moy lu demé nek nek mom di liggéey wala lu demé nek nga am ay gan wa am ay gan wala bo lu demé nek ñam tew comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam wala idha hadara al asha wa salat ci benen riwaya idha hadara salat wala isha fabda'u bil asha ha bu fekkante ni julli dafa tiew ñam tiew manam ay wala re ñiki leen lek gi ba para do gëna julli ji loolu hadith la de yentib moko wax sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci saxexe manam mi ñiki leen ko loolu ah d'ailleurs motax parce que fofu dafa jox priorité ben affaire bu am solo moy théologie xam nga tay le fait que muy julli lolou motax par contre amna benen hadith bo xamantene ci sahih yi la nek batay yaronnabi sallalahu alayhi wasallam julli dafa jot fek mu don dag ndawal li manam mi ngi won di ci an bi di dag ndawal li ñu noddu mu dadi sanni paka bi dem julli ji kon lolou mo lay won xal bobu mo gën su fekenteene man nga dem manam ndax ñam baangi fi ñi ngi ni noddu nañ bo demul julli ji ha xam nga julli ñom duñ la xaar duñ nan sa muru day añ motax lañ xaar bu muru pare xam nga luñ wax lool donc boba nga dem julli ji nga dem su dem mën nga ko te sa xel du nek ci ñam bi nga dem waya su dul loolu rek li gën moy nga tok ñam même bu dé do am bolo sax après nga julli yow kessé parce que julli ak téwlu bi mo gën lool mo gën manam parce que al hudur téwlu dafa manam mo upp doole ke mboloy kesse dafa am ay ordre de priorité tamit ci mbiri yaay deg niki nonu tay par exemple ko xamantene tay place bi mi liggey su deme ni day dem ci jakk ji delu ci wat xelam du nek ci limi julli mu tok julli fi mi fofu fi mi liggey mo upp doole yaay deg et cetera Voilà. Donc yi exception mais seigne bi man fi ben question. Jomno ji ñu nek ni. Surtout ak France li fi xew par rapport ak waxtu julli ak yoyu sen fajar bi ak sen guerre bi. Est-ce que préférable pour manam julli ti façonal yu yewé wala tidiane yi julli sen kër yi. Déjà amna benen point bu am bu mo faté souligner bala ma ñew ci sa tontu bi moy li imam khalil wax rahimahullah né par exemple djité djul manam djulli ci njaal beul waxtu mo gën yow kessé manam kon pa bolo yow kessé mo gën nga djulli ci mbolo ci de ci mu jëntal waxtu yi hein légui non yow li lay concerne ben waxtu kessa la moy waxtu ge waxtu ge rek mo la concerne parce que mom lañuy julli avant te defagul quand ta waxtu fajar bo xolé bu fekkene da nga samonté ak wax bobu mala wax ni la mom la imam khalil wax rahmalallah bu boba da ngay julli sa keur te do dem jakkaji mais benen ak benen situation condition bi nga xamantene mom mo possible moy nga julli ci jakkani wala bo nga julli sa keur après nga dem ci jakkani lolou tam man nana comme li yentou sallallahu alayhi wasallam waxon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu batay ci hadith yu nek ci sahih yentou sallallahu alayhi wasallam ne ko nan ngay def su fekenteene nit ñi dañu dem ba yexi julli manam ñi mu ne ko digeluma yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam muneko bu boba da ngay julli sa keur après nga dem ci jakkaji te bul wax ne julli na ba pare kon yow bu boba fajar bi lool mom moy priorité bi amana lool moy dalilu li nga xamne moy fuqaha maliki yi wax rahmatullahi alayhi bi nga xamne mom la imam khalil tokhal non ne julli yow kenn parce que su doon julli ci mbolo mi non rek mo gën kon duko yentibi sa sam duko wax julli sa keur telo la julli sa keur mais rek sa vrai que periode bobu aussi bim ko doon jundju te mom fekke nako moy periode bi nga xamne gaay dañ dan baye ba danaka waxtu julli yi danaka di jall wala lay lay sax mu xawa jallu tuti gaay dogu julli nga xamantene mom la gaay doon net leene dañ dan nek ci juma ji duñu ñime sax manam takusan day jot imam bi khutba rek manam aju fek ya metti sa dañu topi ñu top te ñewuno juk parce que dañuy gey gis ñu julli takusan ci seen xel di def ni di parce que té ñëmu wuñ wax dara hein parce que suñu war dañ leen di faga gal waaw té période bop ay sahaba féké nañ ko radi Allah si sayyidna Umar ibn Abdul Aziz radi Allah mo yëkëti affaire bop moko dindi bimu ñëwé nek khalifa mo dindi affaire bop non mais sinon nit ñi démon nañ ba lolu am mo sahaba yi ñu upp nat ñep radi Allah ñu upp nat ñep ñe tamit ci ngay xamé aussi sen sagesse bi ñu andal ak tamit nit ki ni mu wara doxale par rapport autorité yi autorité publique parce que andak ne mënon nañu rebelé wu jox xex ki tour dérèn du bare bare ñom ñep wa andak lolu yep ni dañu def révolution ak yoy mais tout temps mais ñom dañu préféré won samonté manam respect autorité bi manam baña def révolution yoy non té lo xol lo gis fo dégg ay xéetu révolution yoy problème lay jox amul fenn fo koy dégg affaire bi jall tout temps problème lay jox c'est quoi pire c'est pire après c'est pire après même révolution française bi gaay di wax c'est pire après parce que limu jour moy ak kéfa ban diiné ci jëmm bi bopam yalla rek lañ bañ après Non, tout le temps c'est pire après. Révolution, faut que dégage après, ça fait grave. Hein? Voilà, bon, les gars, madame, point là, en tout cas, vous avez vous m'avez pas écrit là, à la bombe. Les gars, madame, double ou une kene manam liñ djublu ci wax ni rek moy ne meun nañ ko teunk ci li manam di julli di fexé di nek ci julli ci jakkay sous condition que jakkay nek jakkay yo xamantene manam dañ fay manam du jakkay nitu bi day te lañ fay julle comme jakkay wahabidi te nañ fay julle waaw dafa mata préciser te buñ fay julli tamit manam te ke fay ni fay jité contre Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu dinañu matal charte julli dinañu matal rukoy ak sujoti han ba paré tamit ñey julli manam dal lu normal dal voilà manam parce que tamit dem nek ci jakk kessé lolu du lolo ndariñ de ndariñ ni moy ngeen man fa nek jaamu fa yalla waye budé nek fa kessé ñew rek né fa dongu sa présence physique kessé lolu taxu ñu wax lay comme ni ñu wax manam comme imam bi bañu nek ko xamanteni day contre ci daamu tijani radhiyallahu par exemple budé ko xamanteni sans pour autant manam tayin mais nga xamni ki ku bañ soufi la wala yu demé non est ce day dugg ci ki bi wala wa parce que yow da ngay parce que non si parce que da ngay xamné mom ci jëmmé bopam bu féké xamna ci daamu tijani rek moy ban nek ah wa lool la voilà der fofu amna lu meune won dina ci ñew jazakallah khairan sama xel daf ci doga delus moy lolu nonu visiblement aussi par contre dessa na dogu ci question bi mais limuy nuru moy ne ci en tout cas boudé man nima gisé mbir mi mais sinon sama xel mi ngi ci doga ñew ni keñu gis na ci sidé Ibrahim Salih Hussein radhiyallahu anhu muy expliquer né effectivement kéni lolu du luñu dogo d'ailleurs man lolu la jappone ma man dama japp musa japp né lolu manam ci côté samonté la manam lo xamantene dañ ni li bu mëne nek nga fexé ba am li mais pas mu nek lo xamantene day nek farata bo xamné dañ nan comme par exemple ko def ci julli baxul du tout parce que lolu yeb boko sétlo day delu wat ci julli nitu bi da est-ce que bo julé ci ginnam sa julli dana bax wala dit wala ko xamné pass passam dafa déssé wër ndax bo julé ci ginnam dana bax wala dit masal bi bu lolé ci da lolé dem wala bok ndax suma julé ci ginnam 4 fois sama julli dana bax wala dit masal bi bo xolé day déllu wacc lool té man naka jek lolou mo mossa nek sama gis gis ci walu koku ba bimay gis waxu Seyd Ibrahim Salah Hussein bobu radhiyallahu ma ngi ci contane bima gisse wax jodu ndax gis ne dafa depp won ak li nga xamne man non la jappé won masala bi exactement parce que tamit du yano mana Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu ñew ba paré di changer di wax lo xamanteni da fay wouté sharia rek ni manam kon masala bi day delu ci lolou nam li upp ci manam wala bok manam Hanabilay rahmatullah alayhi Hanabilay ñom seen mazhab ak benn mbolo ci Malikiyé parce que Malikiyé ci question bobu dañ ci xajalo ñaari xat benn xat bi dañu wax comme li Hanabilay wax rahmatullah alayhi benen xat bi wax comme li nga xamne ñom la Hanafiyé ak Shafi'iyé wax rahmatullah alayhi ci masala bi ñom lan lañ wax Hanafiyé Shafi'iyé lan lañ wax dañu koku nonu nitu bida wala ko xamne katchor la mënuf na julli ci ginnaw ndax sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ak yeneen sahaba yi radiyallahu anhu do na julli ci ginnaw xalat da na julli ci ginnaw xalat te xalat bo xalat hajjaj la bëgg wax ma xalat hajjaj ibn yusuf as-saqafi wa magi tu wa ba ki wala ba saftu le sal wa hajjaj ibn yusuf as-saqafi hajjaj ben wala bu ki mané bu doy wa mo xamantene ci gattal dal ci yenn ci ay mbon mbonam moy comme li ci wax imam az-zahabi radiyallahu anhu mune nahnu nata'abbadu Allah wala bok naqtaribu bi bughdi hadha ar-rajul dañuy jaamu yalla di sako jegeñu ci yalla ci bañ gi ñu bañ wajjo parce que waji ki man la parce que en tout cas lu mu bon pour wax la degré rayna lu tolok 70000 personnes subhanallah donc 2000 sahaba do 2000 sahaba yent bi sa sam question bi len rek la manam pour teunk affaire bi question bi masal bi te sahaba yu beur dañ doon dulli ci ginnaw on dira waxana ko mu tiran lo waaw lol la kay question bi ben affaire la moy ray 2000 sahaba ak contre cheikh ban mo gëna graw ba ray 2000 sahaba mo gëna graw wa okay legui hein ray ben nit rek Voilà, non, mais sahaba, parce que pour le savoir degré, voilà, parce que question, si vous savez, maintenant vous allez comprendre que, donc, mas'ala bi, du lo xamantene, manam dañ ci djublu ne, c'est djulli modul bax. Té bokku na ci likoy woné, benen affaire bi, d'ailleurs question bi fi mo ñëk interpeller, mo ci affaireu at. Parce que mëno dem par exemple bo démé Makka. Fofu ñu fay djité ay wahabi la nitu bi daal lan te dañu contre Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu noy def damay wax ne luma julli ci gin aljuma numay def buma demé Makka aljuma nan lay def donc lolu boko xolé day dali manam da ngay dali comprendre que question bi djublu manam du question bu ba bare attention jamono Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu wahabi di commencé won nañ am parce que Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu dañ ko doon jigné mom ci bopuma wahabi la parce que dañu gis ni mu taré won ci diiné ji dañu gis mu rigu rewone ci en charte ci kiw diiné sharia yi ni d'ailleurs motax mu def ko ko gis ni num nek condition ha moy yoon té yoonu nitu yalla buñ ko waxé lool la moy al waquf ala adab shar'iyati zahira wa batina moy taxaw ci tekki sharia yi ci zahir ak ci batin manam kon ci manam pour delu ci question bi pour teunk ko parce que waxtu ñu voilà moy pour teunk ko moy ne lolu djublu wuñ ci question la bo xamantene djublu wuñ ci ne nit ki djulle modul bax mais question wu lu manam à la rigueur dañ ko sip mais civil gu tar bo mané am benen voilà benen solution nga def ko parce que sinon di nga nek ci deuk yo xamne do meuna julli aljuma kon parce que julli aduna mëno fexé ba def ko yow kessa wala yoon ñaar parce que ci djuma lañ koy def nangam nangam parce que julli aduna dafa may condition ñu koy def même bu dé djuma ji yeen ñett gën ci nek mais fofu nek djuma bo xamantene tous les jours et cetera dañ ko fay tek manam waqf la aussi parce que tamit lolu dafa am condition parce que jakka du buma nexé rek da defar out sama coin ci benn sama benn nek ni la ni jakka la jakkay keur lolu jakkay keur la buma meuna julé samay nafi la lolu comme niko ñep xawé da ngay gis jakka ji day nek fi ci keur gi pa bi defar fi benn jakka benn jakka ju ndaw ni muy jakkay keur gi ñu daal koy xawa tabax non lolu mom jakkay keur la bokku te jakka ji nga xamé ne fa la nit ñi di dajé waqf la manam suufu kenn mom ko yalla ko mom leg manam l'islam ko mom fofu kenn du ko jaay kenn du ko def lenen comprendre kenn epouf droit kenn amul nan jakk ji sama jakkal lolou amul jakkay diiw ji comme niñu wax amna leg mom mo fay am carte du mo fay ki lolou tek ndeur et cetera donc masala bobu en tout cas yakar na ni luma ci djublu won ci leral ko ci expliquer ko voilà alhamdoulillah voilà lolou mom il faut ñu ko mais nak légui après xamna ci jotta bi ñu inshallah dinañ delu suwat ci même charte bi pour gëna leral yenen masala yi ci adu inshallah kon ñu yam fofu wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin